Et ne fais pas genre, tu sais que je sais. Ça dit partout que tu prends un peu de C. Je sais plus ce que tu ferais pour toucher le ciel. C'est que tu m'as fait une action si je t'ai laissé. Tu as disparu, t'es sorti de ma vie. Soi-disant gros soldat, mais t'as changé de navire. Tu as disparu, t'es sorti de ma vie. Soi-disant gros soldat, mais t'as changé de navire. Ah, je le sentais que tu mentais. Je restais simple comme Kanté. Que je nique ma santé. Ah, je le sentais que tu mentais. Je restais simple comme Kanté. Que je nique ma santé. Je suis jamais vanté. Moi, je sais que je sentais. Moi je n'oublie pas, même si je dis rien. Et si je fais rien, c'est que je veux pas. Moi je n'oublie pas, même si j'ai des regrets. Tiens bizarre, on va plus fréquenter. Je vais pas me ganter. Jouer le brigandé. Et ne fais pas genre, tu sais que je sais. Ça dit partout que tu prends un peu de C. Je sais plus ce que tu ferais pour toucher le ciel. C'est que tu m'as fait une action si je t'ai laissé. Tu as disparu, t'es sorti de ma vie. Soi-disant gros soldat, mais t'as changé de navire. Tu as disparu, t'es sorti de ma vie. Soi-disant gros soldat, mais t'as changé de navire.